franceinter.fr. Bonsoir. C'est d'une reine de France que je vais vous parler aujourd'hui. Elle s'appelait Marie-Thérèse d'Autriche. On la confond souvent avec Anne d'Autriche, l'épouse de Louis XIII. Non, Marie-Thérèse, c'est l'épouse de Louis XIV. Du roi Soleil, on connaît la liste étourdissante des maîtresses, dignes du catalogue de Don Juan, les Lavallière, Fontanges, Montespan, Maintenon et bien d'autres. Marie-Thérèse, elle, infante d'Espagne et reine de France, est celle dont on ne parle jamais. Un tableau nous parle d'elle, cependant. Un portrait en pied réalisé par Velázquez, juste avant son mariage. L'image est impressionnante. Une coiffure énorme, tout en largeur. Et la robe, surtout, évasée sur les côtés comme un grand navire. Toute la magnificence de la fonction de princesse, portée comme une armure, avec une jeune vierge à l'intérieur. L'épouse de Louis XIV, moquée, ridiculisée, on la disait sotte et laide, est celle sans doute qui, dans l'histoire de France, incarne le mieux la folie de la fonction de reine, génitrice, soumise, cocufiée, interdite d'adultère. Et pourtant, Marie-Thérèse, qui à Versailles vivait cloîtrée avec ses nains et ses chiens, fut-elle aussi terne et surtout aussi sage qu'on a bien voulu le dire ? Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Joël Chevet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, Marie-Thérèse, vous la connaissez bien, vous lui avez consacré une impressionnante biographie, Marie-Thérèse d'Autriche, épouse de Louis XIV, rééditée en 2015 chez Pygmalion, où vous tentez de rendre justice à ce personnage de notre histoire, ce personnage un peu mal aimé. Alors dans quelques minutes, je raconterai un épisode singulier de la vie de la reine Marie-Thérèse en 1664, un épisode qui a semé le trouble, pour ne pas dire le scandale, sur son image à Versailles. Marie-Thérèse sera interprétée par la comédienne Rachida Brakni, qui, vous allez l'entendre, va restituer une femme sensible, au caractère passionné, amoureuse de son mari. Éloïc Corbery de la Comédie Française incarnera un Louis XIV partagé entre ses devoirs d'époux et son désir de conquête. Mais avant cela, Joël Chevet, j'aimerais que vous nous rappeliez quelle image l'histoire justement a laissé de cette reine de France. Votre livre commence par ces mots terribles, pauvre Marie-Thérèse. Pauvre Marie-Thérèse. Oui. C'est en effet la réflexion qu'on me faisait chaque fois que je disais que je travaillais sur ce sujet, que ce soit des historiens ou des amateurs d'histoire, chaque fois me disaient « la pauvre ». Et j'ai donc essayé, à travers cette biographie dans laquelle je suis rentrée, je dois le dire, avec les mêmes préjugés qu'avaient les historiens jusque-là. Hein. On nous présente aujourd'hui une femme qui était... très petite, ça c'est vrai, laide, sotte, bigote, enfin tout ce qu'on peut attribuer à une infante d'Espagne, de la part de Français qui ignorent toute l'Espagne à ce moment-là, et qui voient en elle, mais plusieurs siècles plus tard, je dirais que c'est le 19e siècle qui a fabriqué cette image, à partir de témoignages mal lus, mal interprétés, et commentés de façon souvent très partisane, pour mieux mettre en exergue, je pense, la splendeur de Louis XIV, et le fait que... Il avait conquis, voilà, et qu'à travers l'infante, il avait dominé l'Espagne. Il y a cet aspect-là. Enfin, ses contemporains n'étaient pas toujours très tendres avec elle non plus. La Palatine, donc la belle-sœur du roi, Madame de Sévigné, alors, Monsieur, le frère du roi. Là, je m'inscris un petit peu info. Ah, la Palatine aimait beaucoup Marie-Thérèse, de même que la grande mademoiselle, la cousine du roi, qui en parle toujours de façon... amusée, elle se moque en particulier de son accent, de ce fameux accent espagnol qu'elle a toujours conservé. Les Espagnols n'ont pas vu de français depuis 1635. Elle a une mère française, mais elle n'a jamais parlé le français. Une mère qui est morte très jeune. Morte quand elle avait donc 8 ans. Et donc Marie-Thérèse ne parle pas un mot de français, n'a pas cru bon de l'apprendre, comme c'était le cas d'ailleurs pour la plupart des princesses Habsbourg. Mais par contre, elle le parle parfaitement au bout de quelques années. Et là, des témoignages nous le disent, hein, le confirment tout à fait. Mais elle a un accent à couper au couteau, ça c'est incontestable. Alors avec vous, Joël Chevet, et avec la fiction que je vais vous raconter dans un instant, nous allons tenter de donner de cette femme une image plus nuancée. Mais avant de commencer, brièvement, pouvez-vous nous faire une sorte de photographie de ce qu'est la France en 1664, au moment où va commencer l'histoire? Oui. Alors en 1664, on est au tout début, évidemment, du règne personnel de Louis XIV, qui a pris le pouvoir en 1661. On est dans une période de paix. On est, je dirais, dans ces premières années extrêmement joyeuses du règne. La vie de Marie-Thérèse, c'est la période la plus belle du règne. Ils sont extrêmement jeunes. Ils sont pas très jeunes, non. Ils sont nés en 1638 tous les deux. Donc vous voyez, ils ont déjà 25 ou 26 ans. Pour l'époque, c'est pas très jeune. C'est pas si jeune pour que nous, c'est voilà. jeune. C'est pas si jeune que ça. Et au demeurant, donc nous sommes dans la période sur laquelle je voudrais insister, où Versailles n'existe pas. Nous sommes entre le Louvre, Saint-Germain et Fontainebleau. Et tout ce qui se passe de ce qu'on peut raconter jusqu'en 1683, où vraiment la reine va disparaître, la cour n'est installée à Versailles que depuis un an. Versailles est encore en projet. Merci beaucoup Joël Chevet pour ce beau portrait de Marie-Thérèse d'Autriche, épouse de Louis XIV. C'est d'ailleurs le titre de votre livre qui a été réédité en 2015 chez Pygmalion. Le mystère de Marie-Thérèse d'Autriche, reine de France. Un texte original de Jean-Benoît Patricot, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Une réalisation d'Antoine Dabrowski. Le roi vient vers moi, dressé sur son cheval dans son habit de feu, étincelle de mille éclats, et m'oblige à me couvrir les yeux. Une dizaine de cavaliers l'accompagnent, précédant le char d'Apollon. Le défilé s'immobilise devant nous. Le roi baisse son regard sur moi, et je sens une vague de douce chaleur se répandre dans tout mon corps. Deux dames de compagnie me rattrapent alors que je manque de choir. Qu'avez-vous, Majesté ? Me demande-t-elle. Le roi vient de m'engrosser. . 1664. Louis XIV donne en l'honneur de sa femme Marie-Thérèse d'Autriche les premières grandes fêtes au château de Versailles, dont les travaux viennent à peine de débuter. Ce seront plusieurs jours de festivités donnant la mesure de ce que va devenir le règne du jeune monarque. Princesse espagnole amoureuse, mais au destin corseté, la reine Marie-Thérèse espère ardemment donner à son époux une nouvelle naissance. Je sens déjà que je n'aurai point de menstrue ce mois-ci. Je suis grosse de ce nouvel enfant que le roi vient de me faire. Le prodige s'est produit aujourd'hui. À présent que la nuit est tombée, la fête se prolonge par des feux d'artifice. Comme Versailles paraît beau sous cette pluie de lumière. Tout ici est si différent, la joie prime. Alors qu'à la cour de mon père, je devais demander l'autorisation de rire. Ici, il rit comme on respire. Mon âme s'élève. Grâce à Dieu de m'avoir permis d'avoir déjà donné un fils à mon époux. Il règnera. La douleur de la perte de notre second enfant m'a rapprochée du roi. L'enfant qui va naître est béni de Dios. 4 ans auparavant, le 9 juin 1660, Marie-Thérèse d'Autriche, fille du roi d'Espagne, Philippe IV, a épousé le roi de France, Louis XIV, son double cousin. La cérémonie a eu lieu à Saint-Jean-de-Luz, à la frontière entre les deux royaumes. L'infante d'Espagne est amoureuse du seul parti qu'elle juge digne d'elle. Mais ce mariage est avant tout un mariage politique. Les deux familles royales s'allient après des années de guerre. Très pieuse, Marie-Thérèse arrive, comme il se doit à son mariage, vierge et peu au fait des choses de l'amour. « Laisse-toi faire » est la consigne donnée aux jeunes reines. La tradition veut que les parents bénissent le couple après que le rideau est tiré autour du lit nuptial. Les poètes, déjà, chantent la nuit de noces de Louis XIV et de Marie-Thérèse. Dans l'un éclate une amoureuse ardeur et l'on bénit la couche nuptiale où doit entrer la pucelle royale. dans l'autre brille une extrême pudeur. Telle parut en sa grâce infinie la patiente et belle infante sous le couteau sacrificateur. Le roi m'attend. Déshabillons-nous sans faire nulle façon. La fraîcheur des nuits de juin me fait frissonner, à moins que ce ne soit la frayeur. Quel est ce sentiment qui m'embrase et me pousse vers lui? Quel est cet émoi qui retient mes pas? L'homme se comporterait en bête parfois. Ma mère est morte si jeune. Elle n'a pas pu m'entretenir de ce que sont les devoirs d'une épouse. Elle aurait pu me révéler la nature de mon trouble. J'ai 20 ans et j'ai rarement été en compagnie d'un homme. Pour que je m'instruise de notre différence anatomique, on m'a présenté des tableaux, des guerriers antiques nus. Ma duègne m'a dit de ne point me fier aux proportions, que le désir décuple le volume de l'organe. Je ne dois pas m'en inquiéter, selon elle. Mon propre corps possède une embouchure prête à accueillir le membre royal. Cette nuit, il y aura du sang sur les draps. Que Dios m'assiste dans cette épreuve qui m'effraie et que pourtant je désire, c'est le chemin vers notre Seigneur. Voici donc mon épouse. Sa chemise ne cache rien de son corps ni de ses seins menus. Allez, qu'elle me rejoigne au lit, qu'elle quitte cette mine d'agneau conduit à l'abattage. Il ne reste plus que ma mère dans cette chambre. J'espère que sa bénédiction sera rapide, mais sans s'échauffe. Je ne pourrai demeurer calme trop longtemps. Me voici seule avec mon époux. Il a une belle prestance. Comme cela me trouble. Oh, Louis pose sa main sur moi. Il parcourt mon corps et caresse adroitement ma hanche. À présent, je vais pouvoir lui montrer qu'il est le bienvenu. Il faut que je lui caresse la hanche. Il faut que je sache si cette robe étrange qu'elle portait quand je la vis ce premier soir ne dissimulait pas une malformation. Voyons. Non. Rien. Ce sera une épouse parfaite, digne de moi. Elle saura me donner des enfants forts et sains. Ma mère m'a recommandé de ne pas être brusque, mais il va bien falloir briser cet hymen espagnol, alors allons-y vaillamment. Je sens qu'elle me fait un effet admirable. À la gloire de Dieu. Le lendemain, Marie-Thérèse demanda une grâce à son époux, qu'elle pût être toujours avec lui et que jamais il ne lui proposa de la quitter. Le roi promit qu'il en serait toujours ainsi. Durant toute la vie de Marie-Thérèse, Louis XIV restera fidèle à sa promesse de demeurer proche d'elle. Il la retrouve chaque matin à la messe. Les repas sont pris ensemble. Le soir, il couche dans son lit. Mais la promesse ne stipulait pas que ce fût le seul lit que le roi s'engagerait à fréquenter. Un an après son mariage, Louis XIV impose à Marie-Thérèse la présence de favorites. Des jeunes femmes plus belles qu'elle, plus enjouées, plus disposée à se livrer à ses fantaisies, telle Mademoiselle de la Vallière. Marie-Thérèse souffre et se plaint de cette situation humiliante. Confortée par sa toute-puissance, le roi ne peut se contraindre et poursuit sa vie galante, persuadé que les attentions qu'il porte à son épouse atténueront sa peine. La reine, élevée dans l'idée qu'elle aurait pu régner sur l'Empire espagnol, se retrouve réduite au rôle de génitrice et gardienne des préceptes de la chrétienté. Elle se retire dans ses appartements, ne gardant autour d'elle que des dames de compagnie espagnoles, un aréopage de nains pour la distraire et des chiens. Retour en 1664. D'où vous vient ce chien, madame ? De Bologne, messire. Il paraît que là-bas, on les enferme dans des bocaux ou des paniers pour les empêcher de grandir. Celui-ci est tout à fait ravissant. Le voulez-vous ? Non, il sera en meilleure compagnie ici avec vos nains qu'avec mes chiens de meute qui risquent de le dévorer. Y a-t-il une raison à votre visite avant l'heure du coucher ? N'avez-vous pas une grande nouvelle à m'annoncer ? Si, messire, je comptais vous en informer au plus vite, mais qui vous a ? Ma mère. Elle vous couvre tant qu'elle est la première à connaître vos secrets. Je suis désolée, mais je suis parfois si seule et votre mère est si bonne pour moi. Alors c'est donc exact ? Vous portez un enfant ? Oui. Cette nouvelle me réjouit fort. Cet enfant sera vigoureux, Majesté. Qu'en savez-vous ? Il me met à rude épreuve. Y aurait-il un présent que je pourrais vous faire porter ? Non, messire. Votre présence est le plus précieux des cadeaux. Et peut-être que durant cette période où j'attends cet enfant, vous pourriez... Quoi donc ? Dites. Bien, mademoiselle de Lavallière ne pourrait-elle pas se retirer auprès de sa famille sur leur terre ? Ma douce amie, comme j'aimerais pouvoir obéir à votre demande, mais j'ai besoin de cette personne. Surtout pendant le temps où votre lit me sera, par pure précaution, interdit. Je comprends. Merci, Marie-Thérèse. Je savais que vous seriez la meilleure des épouses pour moi, si pieuse et si compréhensive. Voilà sous quel trait la princesse Palatine, femme d'esprit mais pas toujours tendre, peignait sa belle-sœur. Notre reine était de la plus grande niaiserie, mais la meilleure femme et la plus vertueuse du monde, qui avait de la grandeur et savait bien tenir une cour. Elle croyait tout ce que le roi lui disait, le bon et le mauvais. Un témoignage qui en dit long sur la solitude éprouvée par la reine dans cette cour étrangère. Seigneur Tout-Puissant, mon époux m'impose la présence de ses favorites jusqu'à la grand-messe. Il veut même qu'elle monte dans notre carrosse lorsque nous accomplissons de longs trajets. Je viens d'apprendre par un bruit de couloir que la Lavallière aurait tué un enfant de mon époux et qu'il... Qui va là ? Qui ose déranger l'infante d'Espagne, reine de France et de Navarre dans ses prières ? C'est moi, madame. Mon époux ? Je pars et je voulais vous saluer. Mais vous pleurez ? Non, je ne pleure pas. Je suis certain d'être la cause de ces larmes et je m'en veux. Si vraiment vous vouliez mon bonheur, vous ne partiriez pas ces quelques jours avec mademoiselle de Lavallière. Je vous aurais proposé de nous accompagner, mais votre état ne vous le permet pas. Voyez l'ampleur qu'a prise votre taille. Est-ce le moment de m'infliger pareil affront ? Êtes-vous obligé de suivre l'exemple de votre père ? Oh, ma tendre Marie-Thérèse, je m'en veux de vous infliger pareil tourment. Mais je vous fais une promesse solennelle. Laquelle ? À mes 30 ans, je deviendrai l'époux le plus fidèle qui soit. Encore 4 années avant de pouvoir vous arracher d'entre les bras de ces carognes effrénées. Sachez, messire, que je serai toujours soumise à vos pieds. Mais rappelez-vous que je suis d'Espagne et que vos sujets m'aiment. Si vous souhaitiez vous battre contre moi, n'oubliez pas que l'issue pourrait vous en déplaire. J'aime vous retrouver ainsi. Je tiendrai ma promesse. Donnez-moi un bel enfant comme gage de réconciliation. Je m'y efforce de toute mon âme et je prie pour cet enfant à venir. Oh. Oh. Allez au diable, médecin de mierda. Voilà 10 heures que je suis la proie de terribles douleurs. Où est le roi ? Cet enfant vient trop tôt. Il lui restait 1 mois encore. Il est trop dur à venir. Je veux qu'il vive. Reculez ! Éloignez-vous de mon lit que je respire ! J'ai entendu le roi demander qu'on me sauve plutôt que l'enfant. Seigneur Dios, prenez ma vie, mais de grâce, laissez vivre la chair de ma chair ! Ah ! Monsieur l'abbé de Gordes, votre main. Abbé, priez. Qui se tient là ? Je n'y vois plus, je suis aveugle. Un enfant ? Il est là, n'est-ce pas ? Il est là ! Présentez l'enfant à la cour. Présentez l'enfant ! Est-ce un garçon ? Pourquoi murmurez-vous ? Qu'est cet enfant ? Je veux savoir. C'est une fille ? Dieu soit loué. Qu'est-ce qui ne va pas avec ma fille ? Je ne comprends pas. Elle est difforme. Elle est ébène. Noire comme mon anabo. Mais comment ? Oh mon Dieu, je perds connaissance. Le 16 novembre 1664 naît Marie-Anne de France. La reine n'a pas pu voir son enfant. Elle est au plus mal. Elle reçoit les derniers sacrements. Mais les crises de convulsions se calment. La reine revient à elle. La petite fille, elle, s'affaiblit de jour en jour. Vous avez fait exposer la chasse de Sainte-Geneviève. Cela m'aura sauvée plus sûrement que les émétiques de votre médecin. Tout le royaume a prié pour vous. Et pour Marie-Anne. L'avez-vous vue? Je demande à ce qu'on me la porte, mais la faculté s'y refuse. Elle est trop faible. Il faut qu'elle vive jusqu'à son baptême. Elle n'a pas été ondoyée par l'abbé de Gordes à sa naissance? Votre premier aumônier s'est évanoui d'affliction en la voyant. Est-il vrai que cet enfant a la peau mate? Elle est foncée. Et lorsqu'elle est sous l'emprise des convulsions, violacée, presque noire. Comment cela est-il possible? Je ne sais pas. Cela n'est jamais arrivé dans la famille royale. J'ai ouï dire que cela se produit, parfois. N'y a-t-il pas de savante personne qui pourrait nous éclairer? Les médecins me jurent qu'il aura peut-être suffi d'un regard de votre nain, le petit mort, pour faire une mauresse de cet enfant. Qu'en pensez-vous? Que ce regard devait être bien pénétrant. J'aurais dû l'éloigner durant la grossesse pour ne pas croiser son regard. Vous aurait-il regardé d'étranges façons? Je ne sais, voyons. Ces cabrioles m'amusent et je... Oh oui. Un jour, il était caché derrière mon petit secrétaire. Et tout d'un coup, il s'est jeté devant moi en poussant un cri de bête fauve. Juste pour me donner une surprise. Mais je l'avoue, cela m'a surtout épouvantée. Alors c'est cela. On m'a suggéré une autre explication. Laquelle, sire? Ce chocolat que vous avez rapporté avec vous de la cour d'Espagne. Ce chocolat que vous avez bu tout le temps que vous étiez grosse. Eh bien? Cette sombre boisson vous aura gâté le sang. Je vais me modérer. Mais peut-être que le sang renouvelé rendra à notre enfant sa couleur virginale. Je crains qu'elle n'en ait point le temps. Il faut vous résoudre à la perdre. Pardonnez-moi, sire. Je n'ai pas été à la hauteur de nos espérances. Laissez, madame. Vous êtes auprès de nous. C'est là mon contentement. Je vais faire renvoyer Nabo chez mon père. Je ne pourrai plus en souffrir la vue. Ne vous inquiétez pas. J'ai déjà donné des ordres en ce sens. Je ne devrais pas me soucier de la disparition de ce nain plus que d'une mouche dans un verre de lait. Mais j'aurais voulu que l'enfermement de ce petit mort à la Bastille lui fît révéler la magie qu'il aurait utilisée avec la reine. Et voilà que l'on m'apprend qu'il n'est plus, qu'il n'a pas résisté au fer. Ah, peut-être est-ce mieux ainsi. Hier, mon épouse était considérée comme une sainte, forçant l'admiration de tous, mais aujourd'hui on se cause d'elle. On raconte que son nain l'aurait consolée de mes infidélités. On m'a fait de ma fille, Marie-Anne, une peinture qui me la rend douloureuse. Mais Marie-Anne était mon enfant. Elle a rejoint notre Seigneur en ce jour où elle aurait dû naître. Que me reste-t-il de sa lumière? Je l'ai à peine vue. Et voici que la mère de mon époux a mené son petit cœur en la basilique de Saint-Denis. C'est mieux ainsi. Il faut que la respectabilité de Marie-Thérèse demeure sans tache. Après l'avoir considérée comme la plus dévote des femmes, les piailleries de la cour commencent à lui brosser un portrait fort incommodant. Très vite, il me faut d'autres enfants. Le dauphin est là pour assurer ma descendance, mais une seule pièce ne permet pas de jouer la partie. Marie-Thérèse d'Autriche aura par la suite 3 autres enfants, mais aucun ne survivra. Mais à la douleur de n'avoir pu donner qu'un seul enfant viable au roi, s'ajoute l'humiliation de voir vivre et légitimer tous les bâtards que son mari a conçus avec ses favorites. Face au manque d'égards des courtisans et du roi lui-même, celle qui fut la plus puissante princesse de l'univers ne joue bientôt plus qu'un rôle très secondaire à la cour de Versailles. Pourtant, en 1680, elle va revenir dans les grâces du roi de la manière la plus improbable, par l'entremise de la dernière favorite de Louis XIV, Madame de Maintenon. Celle-ci, qui a une forte emprise sur le roi et veut le ramener vers plus de piété, le pousse à se rapprocher de son épouse. Madame, je vous trouve dans un tel état d'affliction, que se passe-t-il? N'y prêtez pas attention, mon cher époux. Ne vous égarez pas sur mon état. Approchez-vous. Le froid des nuits de février mord sévèrement. Je devrais être pleinement satisfaite de toutes les marques d'obligeance que vous me prodiguez. Chaque soir, vous vous couchez auprès de moi, mais... Que vous arrive-t-il? Je ne parviens pas à trouver le sommeil. Quelle en est la cause? Ma conduite? Non, sire. J'ai été jusqu'à inviter vos maîtresses à prier avec moi. Ce ne sont donc pas vos fautes qui me contrarient. Alors? La perte de nos enfants. Je n'ai plus le goût de vivre. Cela vous soulagerait si... Que voulez-vous dire? Je vais vous raconter une histoire. Et je vous promets que celle-ci vous apportera le sommeil et la paix. J'ai grande confiance en vous. Alors fermez les yeux et écoutez-moi. C'est l'histoire de Roland et de la fée Alcine. C'était le thème des fêtes que vous donnâtes en mon honneur? Les premières fêtes de Versailles? Vous verrez, c'est une version différente. Racontez. Roland, champion du camp sarrasin, était amoureux d'une guerrière chrétienne, Bradamante. Il venait de livrer bataille contre les Maures, mais le roi d'Afrique s'accorda avec une fée très puissante, Alcine, dont vous connaissez le pouvoir. Elle transforme ses anciens amants en plantes pour les garder en son jardin et elle peut se métamorphoser à son gré. Oui. Et un soir... Elle prend l'aspect de Roland et passe la nuit avec Bradamante. Dans ses baisers, Alcine fait passer le souffle du roi d'Afrique. Et quelques mois plus tard, Bradamante met au monde une belle petite fille noire. Oh. De retour des combats, Roland découvre cet enfant. Le roi d'Afrique espérait sans doute que Roland, fou de colère, tua Bradamante. Mais Roland garde raison. Et pardonne à sa compagne de ne pas avoir vu l'illusion d'Alcine. Qu'il était sage. Et l'enfant? La petite fille? Roland l'emporte dans une campagne éloignée pour qu'elle y soit élevée. Puis, il la fait entrer dans un couvent. Et Alcine? On annonce que l'enfant est morte. Et Roland met au doigt de Bradamante un anneau qui lui permet de voir Alcine telle qu'elle est. Alors la petite fille vit? Oui. Oh Louis! Comme j'aime cette histoire. Jusqu'à quel point l'aimez-vous? Je m'y vois dedans tout entière. Alors nous irons demain dans un couvent de bénédictines, à Moret. Pour quelle raison? Je crois que vous aurez plaisir à y rencontrer une jeune novice. C'est une personne que je connais? Vous vous êtes croisés de façon fugace. Quand cela? Il y a 16 ans. L'âge qu'aurait notre bien-aimée Marianne. Que Dieu garde son âme. Et donc, cet enfant, qu'a-t-elle de remarquable pour que je m'en souvienne? Elle a la peau noire. Est-il bien prudent que nous soyons dans la chapelle de ce couvent? N'avez-vous pas toujours été prudente lors de vos visites? Je l'ai été. Du premier jour où je suis venue la visiter, après que vous m'avez appris que notre fille était vivante. Vous ne venez pas trop souvent. Il n'y a pas de commérage qui circule. Je prends soin de ne venir que lorsque nous sommes à Fontainebleau. Et parfois, je me rends ici et ne demande point à rencontrer notre enfant. Je me contente de prendre des nouvelles de sa santé, de sa conduite. Et que vous dit-on? Qu'elle a une intelligence vive. Mais... Quoi donc? Elle se vanterait de ses origines. Ne peut-on la raisonner? J'ai essayé, mais cette pauvre enfant privée de son nom et de son rang ne peut s'empêcher de se trahir. On m'a rapporté qu'apprenant que notre fils Louis chassait dans la forêt toute proche, elle se serait écriée « C'est mon frère qui chasse !» Non, personne ne peut la croire. C'est ce qui nous protège et la protège aussi. Elle a voulu que nous soyons tous deux présents aujourd'hui pour sa prise de voile. Vous ai-je rapporté ce qu'elle m'a dit pour me convaincre de venir? Non. Que cette journée avec nous deux à ses côtés pourrait lui suffire pour une vie. Et elle m'a rapporté deux vers de Monsieur Molière. Tiens donc, elle a vu jouer la comédie? Peut-être l'aura-t-elle lu. Et ses vers? Oui, j'aime mieux, n'en déplaise à la gloire, vivre au monde 2 jours que 2000 ans dans l'histoire. Quels seraient pour elle ces 2 jours ? Sa naissance comme princesse présentée à la cour et ce jour où elle prend le voile. Quel nom a-t-elle choisi ? Elle a entremêlé nos 2 noms. Elle sera sœur Louise-Marie de Sainte-Thérèse. La voici. Dieu, qu'elle vous ressemble, Majesté. Je ne sais quelle part me revient. Le regard, Marie-Thérèse. Le regard. Lorsque Marie-Thérèse d'Autriche meurt le 30 juillet 1683, l'histoire de la naissance du bébé noir est oubliée. Et si l'on s'interroge encore sur les visites de la famille royale et de Madame de Maintenon à l'abbaye de Moret, on se passionne déjà pour d'autres scandales. Selon toute vraisemblance, Marie-Anne de France, née d'un accouchement difficile, était un bébé cyanosé. Sa présentation dans une chambre plongée dans la pénombre, rendue brouillardeuse par diverses vapeurs et fumées, avait pu prêter à confusion et permettre à monsieur, frère du roi, d'avoir cette saillie aux dépens de sa belle-sœur en proclamant que l'enfant était noir. Il est très peu probable que la reine ait trompé le roi, elle qui incarna toute sa vie la loyauté auprès d'un époux qui fut souvent trahi, même par ses proches. Mais alors, si la jeune novice noire n'est pas la fille de la reine, qui est-elle ? Et comment expliquer que le roi se soucie tant de lui allouer une pension à vie si elle ne lui est rien ? 1er septembre 1715, Louis XIV se meurt dans sa chambre. Il disparaît dans l'indifférence de son peuple. Mon père, je voudrais confesser une autre faute. Mais celle-ci est particulière. Cela remonte à l'époque où ma bienheureuse épouse Marie-Thérèse mit au monde notre 3e enfant, Marie-Anne de France. Cet enfant est né noir. Mon épouse ayant été la femme la plus pieuse qui soit, jamais elle ne se serait laissée aller à une faiblesse. La dernière phrase qu'elle a prononcée fut « Depuis que je suis marié, je n'ai eu qu'un seul jour de bonheur. J'espère que ce jour fut celui où je lui annonçai que cet enfant noir était vivante et qu'elle vivait dans une abbaye. Je lui ai fait ce présent pour la soulager de toute la peine qui lui venait de la mort des 5 enfants qu'elle avait mis au monde. Je lui ai fait croire que Louise, la moresse de l'abbaye de Moret, était sa fille. C'était un mensonge. Notre petite Marie-Anne était bien morte. Là est ma faute. Mais pourquoi le roi se sentait-il si proche de la jeune religieuse noire ? Et pourquoi apparaît-elle dans les archives de la maison du roi ? Celui-ci avait ordonné que l'on prît soin d'elle, qu'elle fût dotée d'une pension de 5000 livres et qu'elle restât dans des couvents modestes. En aucun cas, elle ne devait être transférée dans des abbayes royales où l'on aurait pu se poser des questions. Tous ces indices laissent à penser que Louise-Marie de Sainte-Thérèse, la religieuse noire qui ressemblait tant au roi, était une de ses filles naturelles. Il y avait peu d'Africains à Versailles. L'une des pistes serait qu'une comédienne, qui jouait la sauvageonne dans des spectacles auxquels le roi participa, en fut la mère. Je suis son père, mais sa noirceur, qu'elle tient de sa mère, lui retire tout droit. Mon épouse méritait que je lui offrisse cet enfant, car si j'ai souvent porté atteinte au sacrement divin de notre mariage, Marie-Thérèse fut toujours mon épouse sacrée. Le mystère de Marie-Thérèse d'Autriche, reine de France, de Jean-Benoît Patricot dans le rôle de Marie-Thérèse, Rachida Brakni dans celui de Louis XIV, Loïc Corbery de la Comédie-Française. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel et Éric Villenfin. Réalisation, Antoine Dabrowski. Autant on emporte l'histoire est terminée pour ce soir. L'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr. Et très bonne soirée à tous.